Alors, le film dont je vais vous parler s'intitule Les hommes et des dieux. C'est un film du réalisateur Xavier Beauvois. C'est donc le film qui a obtenu le César du meilleur film cette année. Et il est nominé pour la Palme d'Or au Festival de Cannes. Donc, l'acteur principal du film est Lambert Wilson. Donc le film raconte l'histoire et est tiré de l'histoire de huit moines qui vivaient dans un couvent dans les montagnes du Maghreb dans les années 90 et qui vivaient logiquement en paix avec les populations et la religion donc catholique vivait en harmonie avec la religion islamique jusqu'au moment où un groupe islamiste a enlevé un groupe d'étrangers au Maroc, il me semble. Et donc les moines se sont vus menacés par les groupes islamistes et ont refusé l'aide militaire qu'on leur proposait et leur protection. Et bon, sans révéler la fin du film, apparemment les moines disparaissent et se font massacrer petit à petit par justement ces groupes islamistes. Et donc il y a une petite polémique autour de ce film en France parce qu'on dit que ça pourrait déranger certaines communautés religieuses.